Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'Elon Musk qui veut faire trembler la bureaucratie. Oui, encore lui. Le patron de Tesla et SpaceX a lâché des tweets explosifs en février 2025 et ça fait débat. Il veut trancher dans les lourdeurs administratives, révolution ou chaos. Restez avec moi pour décrypter ça en 3 minutes chrono. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est parti. Le 11 février sur X, Musk balance « Si la bureaucratie est aux commandes, quel sens la démocratie a-t-elle vraiment? Il faut corriger ça. » Il critique les agences non élues, FDA, EPA, qui, selon lui, paralysent tout. Quelques jours plus tard, des comptes comme @stillgray ou @theblaze relaient le message. La bureaucratie, c'est l'ennemi public numéro un. Pourquoi maintenant? Eh bien, Musk bosse avec Trump dans le Department of Government Efficiency, ou DOGE, pour couper dans les dépenses et les règles aux États-Unis. Ça sent la réforme radicale. Musk n'est pas un newbie là-dedans. SpaceX a explosé les codes en évitant les lenteurs de la NASA. Il veut la même vibe partout. Moins de paperasse, plus d'action. Mais attention, trancher la bureaucratie, ça peut libérer l'innovation. Cool, non? Ou laisser un vide dangereux. Avec ses 440 milliards et 200 millions d'abonnés, Musk a un pouvoir fou. Ses fans adorent, ils y voient une libération. Les critiques, eux, craignent un monde sans garde-fous. Et vous, vous en pensez quoi? Alors, Musk va-t-il révolutionner la gouvernance ou juste semer le bazar? Une chose est sûre, il ne lâche rien, et 2025 risque d'être mouvementé. Dites-moi en commentaire, pour ou contre sa guerre à la bureaucratie? Likez si ça vous a plu, partagez à vos potes et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve bientôt pour décoder d'autres news brûlantes. À plus!